Rayon naissance. Quel bien beau bébé, prêt à consommer tout ce pourquoi il est fait. Lingette parfumée, poussette électrique, biberon ergonomique, ours robotisé, lanterne magique, pédiatre automatique. Rayon enfance. Comme c'est émouvant de voir cet enfant briller de ses yeux tout grands. Produits dérivés, acide citrique, spaghettis élastiques, 1000 activités, 1000 besoins techniques, télé psychédélique. Rayon adolescence. Ah, la puberté, passage obligé, c'est le moment de se révolter. Téléphone greffé, soins épidermiques, plaisirs électroniques, fringues estampillées, banquier sympathique, désirs économiques. Au supermarché de la vie, le temps est bien rempli. Avant même de demander, on sait ce que vous voulez. Et tant pis si vos idées sont un peu décalées. On n'a jamais su ici où se trouvait la sortie. Rayon jouissance. Oui, faut s'éclater ou se dépasser, puisque le temps est compté. Loisirs calibrés, efforts esthétiques, attributs excentriques, rêves à emporter, recettes érotiques, factures gastronomiques. Rayon performance. L'efficacité, c'est ce qui permet de finir en bon premier. Point de fidélité, planning dynamique, relevé périodique, choix instantané, puissance numérique, avance technologique. Rayon espérance. Qui y a-t-il derrière ce décor qui sert à partager des repères? Bonheur en sachet, rêve d'Amérique, café philosophique, crème d'éternité, guide ésotérique, abécédaire cosmique. Au supermarché de la vie, le temps est bien rempli. Avant même de demander, on sait ce que vous voulez. Et tant pis si vos idées sont un peu décalées. On n'a jamais su ici où se trouvait la sortie.